Confrontation. Ô cadavres, parlez. Quels sont vos assassins? Quelles mains ont plongé ces stylets dans vos seins? Toi d'abord, que je vois dans cette ombre apparaître. Ton nom? Religion. Ton meurtrier? Le prêtre. Vous, vos noms? Probité, pudeur, raison, vertu. Et qui vous égorgea? L'Église. Toi, qu'es-tu? Je suis la foi publique. Et qui t'a poignardé? Le serment. Toi, qui dors de ton sang inondé. Mon nom était justice. Et quel est ton bourreau? Le juge. Et toi, géant, sans glaive en ton fourreau, et dont la boue éteint l'auréole enflammée. Je m'appelle Austerlitz. Qui t'a tué? L'armée.